faire un jeûne médiatique. Voici le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je l'ai choisi parce que présentement, j'entreprends un jeûne par rapport au visionnement d'informations qui vient des médias de masse. Donc, dans les dernières semaines, j'écoutais là, qu'est-ce qui se passe là, en lien avec la crise en Europe de l'Est qui implique l'Ukraine d'une manière assez journalière, voire plusieurs fois par jour. Et j'ai regardé ça avec le recul, mon rapport aux médias, puis j'ai réalisé que, bon, ça me grugeait beaucoup d'énergie sur une semaine. Le temps consacré à regarder des nouvelles dans les médias officiels, donc les médias de masse, les grandes chaînes de télévision, et aussi les médias alternatifs. Donc, j'ai décidé de prendre plus de temps par rapport à moi-même et de faire un jeûne. Donc, il y a des gens qui, par exemple, vont faire des jeûnes pendant 2-3 jours. Donc, j'ai déjà fait un jeûne, d'ailleurs, j'avais fait en lien avec le jeûne que j'avais réalisé, entre autres, là, un enregistrement il y a quelques années, où j'avais fait un jeûne là, dans la période là, proche de Pâques, donc pour le passage de l'hiver au printemps, qui avait duré 3 jours. Donc, mais c'est un jeûne qui était à l'eau. Puis au moment où je vous parle, ben, je suis en mode jeûne aussi au sens littéral, au niveau physique. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, j'ai soupé, j'ai passé à côté là, du souper. Je me suis alimenté avec de l'eau. Donc, les derniers jours, je ressentais comme l'impulsion de mon corps de lui donner une pause alimentaire pour donner un répit au fonctionnement de mes intestins, de l'intérieur de mon corps, pour amener une régénération. Donc, un jeûne physique, là, je ne sais pas si je vais faire 3 jours, je ne sais pas. Je laisse aller le mouvement, je suis mon intuition, je suis ma vibration, ma sensibilité, je vais voir. Puis, même chose pour ce qui est du jeûne médiatique, je ne sais pas combien de temps je vais faire le jeûne, mais ce que je peux dire, c'est que par rapport au jeûne médiatique, là, aujourd'hui, j'ai passé... En fait, ça fait 2 jours là, que j'écoute pas les médias de masse. Et j'ai l'intention de passer une certaine période de temps. Parce que, pour moi, ce qui est véhiculé dans les médias, il y a beaucoup de désinformation. Puis, je trouve ça malsain de s'alimenter aussi par rapport à des impressions de souffrance qui sont mises en exergue. Donc, de voir, mettons, des civils qu'on dit qui se font bombarder et qui se mettent à pleurer. Je voyais à un moment donné un gars qui pleurait parce qu'on disait qu'il avait perdu sa maison. Des gens dans des états de détresse très grands. De se nourrir de ces perceptions, surtout quand on s'alimente sur le plan physique. Beaucoup de personnes vont manger en même temps qu'ils écoutent le bulletin de nouvelles, dont moi-même dans le passé. Peut-être que je vais retourner à écouter les bulletins de nouvelles pendant que je mange dans les prochaines semaines. Là. Mais en tout cas, présentement, j'ai ressenti l'impulsion. Puis c'est une partie de moi-même, ma petite voix intérieure. Ce que certains vont appeler petite voix intérieure, là, ça me dit « Chris, prends une pause de tout ce qui est véhiculé dans les médias. Occupe-toi de toi d'abord. » Ça m'a comme parlé intérieurement fortement en prenant une distance parce que de m'imprégner des gens dans des états aigus de souffrance que je vois en relation avec ce qu'on nous dit être une guerre, bon, c'est comme désharmonieux. C'est comme d'écouter de la musique qui est dissonante. Donc, je me sens pas alimenté par rapport à ça. Je dis pas de nier la souffrance que peuvent vivre les gens, comprenez-moi bien ici, là, c'est subtil. Mais de ressentir un état d'épuisance ou de tristesse, de voir des gens qui sont tristes, pour moi, c'est pas intelligent. C'est ça que je veux dire. Mais le jeûne que je fais présentement, médiatique, c'est que j'ai réalisé les derniers jours qu'il y avait comme une compulsion chez moi à me connecter plusieurs fois par jour là, sur les médias. Puis là, on apprend une attaque de telle ville, il y a des chars d'assaut, il y a ci, il y a ça. Puis pendant ce temps-là, ben, mon ménage du printemps, il avance pas. Ensuite, j'ai d'autres tâches à faire aussi que d'être planté devant la télévision ou l'écran d'ordinateur. Donc, c'est que le temps de cervelle que je consacre à ça, je ne le consacre pas à autre chose. D'où la pertinence de faire un jeûne. Puis, présentement, ce que je peux dire, après 2 jours de sevrage de l'écoute médiatique, puis pourquoi j'en parle? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter beaucoup ce qui se passe dans les médias officiels ou alternatifs, puis vont être imprégnés des vibrations dissonantes de situations de conflits internationaux ou de la peur d'un virus. Mais en réalité, il ne faut pas être imprégné de ces vibrations-là si on veut être cohérent par rapport à soi-même. Il faut plutôt être dans un état d'émission de sa propre vibration. Donc, ce qui est très différent. Donc, être imprégné de soi-même, puis vous pouvez imprimer votre lieu de vie ou ce que vous vivez en y véhiculant consciemment votre vibration, en y installant des objets qui évoquent pour vous la beauté. Où est-ce que je suis dans le logement, quand que je suis arrivé, il y avait un cadre que je trouvais pas beau. Donc, je l'ai enlevé du mur. Donc, l'ancien locataire qui était là, il avait mis ce cadre-là. C'était avec des bouteilles de vin, puis je trouvais ça laid, ça n'a pas de bon sens. Bon, ben je l'ai enlevé. Je l'ai laissé à un endroit qui n'est pas à ma vue. C'est peut-être dans le fond d'une armoire. Donc, c'est sûr que si le propriétaire dit « Ah, ben là, le cadre n'est plus là », bon, ben je vais y ressortir, puis quand je vais quitter le logement, ben il reprendra le cadre. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas le voir, parce que la vibration ne m'inspire pas la beauté. Et ce qu'il faut regarder, c'est de quoi qu'on s'alimente. Dans le sens que si on s'alimente de bulletins de nouvelles qui visent à nous faire vibrer à de l'état de tristesse ou nous faire sentir coupables comme étant des méchants pollueurs parce qu'on utilise des gaz à effet de serre, on produit, pardon, des gaz à effet de serre parce qu'on utilise de l'énergie fossile, produite du pétrole, mais en même temps, on crée un contexte social et économique qui fait que acheter une auto électrique, oui, c'est plus abordable aujourd'hui qu'autrefois, mais quand même, ça représente une dépense importante d'énergie. Puis même à ça, il y a quand même, en lien avec la batterie relative à l'auto électrique, une empreinte de gaz à effet de serre, une empreinte carbone qui est là. Donc, il ne faut pas nier la réalité. C'est sûr que des gens vont dire, ben, regarde, l'empreinte est moins pire. Écoutez, ça se peut que ce soit réel, mais pour moi, ce n'est pas une solution ultime. La solution ultime, ça serait d'avoir des véhicules qui s'alimentent directement d'énergie cosmique, puis qui fonctionneraient à partir d'une énergie qui est omniprésente partout, qui est le support de la réalité, ce que certains vont appeler le champ quantique. Donc, mais à un certain niveau, tu es en contact avec le tout, puis ta conscience est capable d'avoir accès à l'information sur le champ quantique, à ce moment-là, quelle est la pertinence de chercher à se véhiculer dans l'espace, étant donné que la conscience peut être projetée dans tout l'espace qui peut exister, et que simultanément, si on est connecté avec le tout, on peut avoir accès à de l'information relative à l'ensemble du tout qui existe, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin à ce moment-là de se véhiculer d'un point A à un point B pour obtenir une information. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est connecté au tout, ben, il n'y a pas besoin, par exemple, d'aller rencontrer un ami pour savoir qu'est-ce qu'il pense, parce que s'il est connecté au courant de la pensée chez lui, bon, ben, il n'y a pas besoin de tout ça. D'ailleurs, à une certaine échelle, on le vit présentement, dans le sens qu'un individu au Québec qui est en communication avec une autre personne en Belgique ou en France, donc sur un autre continent que celui de l'Amérique, qui est situé à plusieurs centaines de kilomètres, bon, ben, la personne n'a pas besoin de se déplacer physiquement en France ou en Belgique pour pouvoir avoir accès à l'information qui est présente dans la psyché de l'individu qui est situé à une très grande distance de chez lui. Si la personne est connectée au tout et à la pensée, bon, à ce moment-là, la personne n'a pas besoin de prendre l'avion pour passer d'un point A à un point B, car la personne a accès à tout le savoir qu'elle a besoin dans l'instantanéité du moment présent compte tenu de sa capacité de captation psychique. Donc, le rapport à la notion d'espace est différent. D'ailleurs, la notion d'espace sur le sens absolu, c'est, de ma compréhension de la réalité, une illusion. Dans le sens que l'espace, pour qu'elle puisse exister sur le plan absolu, il faut qu'il y ait une notion de séparabilité absolue entre les individus. C'est sûr que sur le plan physique, biologique, on peut avoir les impressions que les individus sont distincts, mais si on réalise que les individus sont constitués d'atomes qui baignent dans un champ d'énergie et que l'essentiel de la réalité, comme l'ont mentionné certains physiciens quantiques, bon, ben, si l'essentiel de la réalité n'est pas dense et que on est des êtres à 99,9% constitués d'une substance qui n'est pas physique, mais plutôt un champ de déploiement dans lequel les atomes se situent. Bon, ben, si on est capable de se connecter au champ qu'on va qualifier de quantique, ben, à ce moment-là, ce qu'on peut dire, on peut être partout dans le monde, puis en interrelation avec le tout. Donc, ça devient intéressant. Et dans le rapport à la réalité. Mais là, je m'égare un peu par rapport à l'objet de l'enregistrement d'aujourd'hui, qui est le jeûne médiatique. Le jeûne médiatique, je le fais présentement parce que, à quelque part, un peu comme quelqu'un qui mange la mauvaise nourriture, ce qu'on va appeler du fast-food, la nourriture rapide, il y a un effet d'intoxication. Donc, j'ai l'impression d'intoxiquer comme quelqu'un qui va manger du fast-food avec une trop grande quantité de sel, comme agent de préservation dans la nourriture et aussi de graisse. Donc, il y a des gens qui vont parler d'info-obésité. Bon, ben, je me sens, depuis les derniers jours, puis depuis la crise en Ukraine, que je me suis mis à suivre d'une manière assez régulière sur les médias, avec une certaine lourdeur énergétique, parce que je donne l'importance à ça. Mais si je donne trop d'importance à l'écoute des médias, ça veut dire que, à quelque part, je ne m'en donne pas assez à l'écoute de moi-même. Si mon attention est trop tournée vers eux, ben, elle l'est moins vers moi. Donc, par rapport à tout phénomène médiatique, des fois, ça peut être intéressant de prendre une pause ou un recul, surtout par rapport à la pandémie qu'on dit dans les médias, selon le discours officiel qu'il y aurait eu une pandémie. Depuis environ 2 ans. Donc, par rapport à tout propos qui est amené, on peut prendre un recul critique, un recul pour prendre de l'énergie. Donc, autrement dit, se nourrir d'éléments qui vont nous favoriser. Comme là, des derniers jours, ce que je fais, c'est que je vais faire des études en relation avec la santé. Sur Internet, il y a plusieurs personnes intéressantes qui vont avoir des propos par rapport à l'alimentation, des propos au niveau psychologique même. J'écoute ça. Et là, je fais une pause par rapport au suivi de l'actualité. Donc, je ne cours pas après ça. C'est comme j'ai l'impression de me dépolluer, comme un peu quelqu'un qui mange du fast-food à tous les jours. Puis l'information est comme remplie là, de propagande, de peur par beaucoup d'animateurs de télévision. Donc, on cherche à créer un climat anxiogène. Donc, que ce soit consciemment ou inconsciemment, moi, c'est ce que je perçois. Donc, je me détache de tout ça. Je me nourris de l'eau, c'est sûr, en pratiquant, ben, je fais pas un jeûne sec, là, mais je me nourris d'eau, puis en même temps, je vise à me nourrir de la lumière. Et ce qui est particulier dans la notion du jeûne, je dis pas aux gens de pratiquer ça en passant, là, c'est en fonction de chacun sa sensibilité. Dans mon cas, c'est que si je fais un jeûne qui va durer, dans mes expériences passées, à peu près une journée et demie, non seulement je me sens plus énergétique, mais à la différence de la croyance populaire qui va dire « ben là, si tu manges pas, tu vas avoir moins d'énergie ». Or, à court terme, ça restimule mon organisme, un petit peu comme si je ferais un bain dans de l'eau froide. Ça crée un effet de stimulation pendant quelques minutes. Donc, un peu comme quelqu'un qui va aller dans un spa, il va se baigner dans de l'eau chaude, ensuite, quelques instants, il va prendre l'eau froide comme effet de contraste, ça leur saisit. Donc, de faire une pause alimentaire, je ne dis pas de faire ça pendant 40 jours. Il y a des gens sur le plan spirituel qui vont dire « Ah, Jésus, il a jeûné pendant 40 jours, c'est un modèle à suivre. » Je ne dis pas nécessairement. Mais ce que je dis dans mon cas, c'est, puis ça c'est mon étude de ma personne, je fais un jeûne d'à peu près une journée et demie habituellement, mon niveau d'énergie augmente, mon mental est plus léger. D'ailleurs, quand on mange, après avoir mangé, souvent l'essentiel de l'énergie est mobilisé au processus de la digestion, surtout si c'est un repas qui est copieux, qui est en grande quantité de nourriture avec de l'alcool. Bon, mais l'énergie est concentrée là, donc ce qui veut dire c'est qu'il y a moins d'énergie corporelle qui est disponible pour traiter la nature de la pensée. Donc, de manifester une pensée qui est ajustée à travers c'est-à-dire, la pensée est ajustée au niveau cosmique. C'est l'individu qui, par la difficulté à intercepter et à traduire la pensée d'une manière adéquate sur le plan physique à travers le vocabulaire utilisé, à travers, entre autres, sa parole. Un peu comme quelqu'un qui est en état d'ébriété. Quelqu'un qui est en état d'ébriété, c'est pas parce que la pensée de son être qui est au-delà du cerveau biologique manque d'ajustement. C'est juste que le cerveau biologique, en termes d'organes traducteurs, est perturbé comme l'ensemble du corps par la présence d'une grande quantité d'alcool dans le système biologique qui va perturber son activité en relation avec l'effet d'intoxication de l'alcool. C'est tout simplement ça qui se passe. Mais des fois, c'est paradoxal, la vie. Parce que des fois, les gens peuvent croire que, ah, ben s'ils n'écoutent plus les médias, ils n'auront plus de choses à dire et ils vont être vides. Mais paradoxalement, ils peuvent être pleins de leur être. Donc, au lieu que ce soit l'extérieur qui remplit la psyché de l'individu, au contraire, la personne peut être en contact davantage avec elle-même puis déployer une créativité renouvelée, ce qui est très différent que de tout simplement répéter ce qui est dit dans les médias ou commenter l'actualité. Bien que commenter l'actualité, ça a d'utilité, là, je ne dis pas ça, je ne dis pas le contraire. Par contre, ce qui a une plus grande valeur par rapport à moi, c'est de qu'est-ce que je peux parler dans la vie en fonction de la dimension de moi-même qui est mon être dans sa multidimensionnalité. D'ailleurs, c'est ce que je veux plus de donner de valeur. Je veux donner plus de valeur à qu'est-ce qui va provenir dans ma conscience par rapport à moi-même plutôt que qu'est-ce qui va sortir de la bouche des journalistes ou des gens de l'environnement. Parce que sinon, ben, ça me met en position d'être disciple des autres, d'être soumis à l'autorité, à leur influence. Donc, ça, c'est un aspect que je voulais mentionner. Fait que le jeûne médiatique, ben, comme la nature a horreur du vide, ben, moi, ça me parle intérieurement. Donc, au lieu d'être en mode absorption de ce que disent les médias en réaction à autrui, donc, ça me permet d'être dans une dimension de moi-même qui est plus créatif. Fait que tout le temps que j'ai de libre depuis les derniers jours, parce que j'écoute plus les médias, ben, il faut que je l'occupe. Donc, à ce moment-là, ben, ça m'amène à m'entraîner plus sur le plan physique. Ça m'amène... là, je fais un enregistrement, là, présentement. Bon, ça m'amène à communiquer. Donc, ça m'amène à faire d'autres choses. Ça me donne... pendant que je suis occupé à être libre des médias, ben, ce qui est intéressant de voir, c'est que je ne m'ennuie pas. Je suis alimenté par rapport à moi-même sur plusieurs choses. Des fois, c'est des ajustements par rapport à ma vie. Là, la vibration va plus se rehausser de ce que je vais capter à l'intérieur de moi. Puis, l'un des paradoxes aussi par rapport à la vie, c'est que quand on regarde l'activité physique, dans mon cas, ce que je réalise, c'est que plus que je me dépense sur le plan physiquement, ben, plus qu'à ce moment-là, j'ai de l'énergie. Ben, lui, il y a des limites aussi par rapport à ça. Là. C'est sûr que quelqu'un qui ne repose pas son corps parce que la demande est constante sur le plan physique, ben, la personne ne se régénère pas. Bon, c'est sûr que quelqu'un qui fait du travail très physique, une journée à la suite de l'autre, puis il n'y a pas un temps de repos adéquat, en effet, la personne peut se brûler. Par contre, la personne qui est sous-activée sur le plan physique va avoir moins d'énergie que la personne qui a une quantité d'activité physique adéquate faite pendant sa journée. Donc, autrement dit, si la personne, pour manifester son plein potentiel énergétique, c'est de faire une course qui dure 40 minutes, puis elle ne court pas, bon, ben, elle va être fatiguée à rien faire. Si elle fait la course de 40 minutes, elle va être, comme on dit, sur son X, sur la manifestation de son plein potentiel. Elle va être en équilibre avec elle-même. Par contre, c'est sûr que si elle court, non pas 40 minutes, mais elle court 3 heures de temps à une haute intensité, là, à ce moment-là, ça se peut qu'elle puise dans ses réserves physiques. Puis si elle fait la même chose des jours consécutifs, bien, elle va connaître une fatigue, un peu comme quelqu'un qui fait des mouvements répétitifs du bras. Puis à un moment donné, bien, elle peut faire une tendinite. C'est un petit peu le même principe. Mais il y a une dimension où ce que l'énergie se recrée dans la dépense qui existe. Donc, ça, c'est dimension intéressante dans le sens que des fois, ça va à l'encontre du sens commun aussi. Dans le sens que moi, si je fais un jeûne, je vais être plus en forme physiquement dans les heures qui vont suivre que mon état habituel parce que le jeûne va revivifier, régénérer, restimuler mon organisme. Par contre, je vous dirais pas d'aller que je serai en forme pour parcourir pendant 40 minutes de temps là, en faisant de la course à pied, là, une grande distance là, après 40 jours de jeûne, là, je ne penserais pas. Il y a des limites physiques quand même, mais à court terme, je vous dirais, après quelques heures, une journée, voire une journée et demie, oui, j'ai une certaine forme physique. Et c'est intéressant d'utiliser ça comme phénomène relatif au jeûne. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui m'écoutent et qui ont envie maintenant d'entreprendre un jeûne médiatique, bien, je vous salue. Et sinon, ben c'est sûr qu'en terminant l'enregistrement, ben j'ai envie, l'envie vient comme ça, de procéder à une courte session de bénédiction où je vais bénir ma capacité de m'alimenter d'énergie en même temps que je m'alimente d'eau. Je vais le coder sur le plan énergétique. La réalité est après tout une construction subjective et la conscience est donatrice du sens. Et de percevoir les choses participe à les constituer. C'est sûr que si les autres perçoivent les mêmes choses, ben on va dire que les éléments perçus sont des constructions intersubjectives d'une perspective constructiviste. Donc, par rapport à ça, lié à la physique quantique, à l'effet qu'on est lié à tout, bon, ben je vais bénir ma capacité à absorber l'énergie, me nourrir de l'énergie du prana, que je peux inspirer et expirer, me nourrir de l'énergie que certains appellent du chi, ce que William Reich appelle l'orgone, donc de l'énergie qui est en abondance partout. Parce qu'en réalité, ce qu'on perçoit du monde, de l'environnement, c'est tout le temps de l'énergie qui sous-tend les différentes formes. Et que la forme du corps biologique est composée d'énergie. Donc, lorsque j'écoutais le documentaire Lumière, qui est par rapport à des gens qui vivent sans se nourrir d'énergie sur le plan physique, il était question qu'en réalité, il pouvait y avoir des gens qui se nourrissent directement de l'énergie du soleil. Et quand on regarde le cycle de la vie, donc le soleil va alimenter les plantes avec le phénomène de la photosynthèse. Et par la suite, il va y avoir des animaux qui vont se nourrir des plantes. Donc, l'animal se nourrit de l'énergie solaire qui était contenue dans la plante qui l'a absorbée. Ensuite, l'animal va la métaboliser. Mais en réalité, derrière la plante, derrière aussi l'animal qui la mange ou l'être humain qui mange l'animal et la plante, c'est toujours la même énergie qui est là, qui est en relation avec son déploiement sur le plan physique du soleil. Mais c'est sûr que derrière l'énergie solaire, il y a l'énergie à l'état pur qui existe. Donc, c'est sûr que par rapport à mes propos, j'observe certains phénomènes psychosomatiques qui peuvent se dérouler chez moi. En passant, je dis pas aux gens de pratiquer le jeûne, là. Je vais mettre l'emphase quand même là-dessus, parce que, dans le fond, moi, je vis les choses par rapport à moi-même. Je me sens parler d'un petit peu de ce que je vis, mais chaque personne a une condition de santé qui est différente, qui doit être respectée. Donc, je me mêle de mes affaires. Mais je fais mes expériences. Je regarde la capacité de ma conscience, surtout dans un contexte où on s'entend, là, on parle de l'augmentation fulgurante du coût de l'alimentation, de l'inflation galopante là, par rapport à la nourriture. Donc, ça peut être intéressant dans un contexte comme ça pour moi d'explorer ma capacité de mon corps à fonctionner avec des jeûnes qui peuvent être temporaires. Je peux en faire plusieurs dans ma vie. Alors, regardez mon rapport à la nourriture, voir si la nourriture qui est absorbée représente, en bout de compte, une plus grande perte d'énergie que de gain. Dans le sens que si la nourriture, pour la traiter, me demande beaucoup d'énergie, ben, en termes d'efficacité, ce n'est pas nécessairement rentable. Donc, autrement dit, si de traiter, par exemple, la consommation de 3 bouteilles de bière me demande plus d'énergie que de manger des végétaux, puis le contenu des bouteilles de bière nourrit moins mon organisme que, par exemple, de manger des noix. Bon, ben, c'est pas nécessairement l'optimum énergétique. Mais ça, c'est dans mon côté qui va aimer analyser les choses, dans une forme d'esprit de calcul. Mais si je reviens à, par rapport à la session que je veux faire de courte bénédiction, puis je vais mettre l'emphase là-dessus, là, je vais arrêter de m'écarter avec différentes considérations. Je vais aller de l'avant avec ça. Donc, je bénis maintenant, alors que je fais mon jeûne médiatique et simultanément physique, ma capacité à m'alimenter à partir de mon être. Je bénis ma capacité de m'alimenter de l'énergie cosmique. Je bénis ma capacité d'absorber à travers l'eau que je consomme l'énergie cosmique qui la sous-entend. Je bénis ma capacité à me nourrir de cette énergie aussi qui est présente dans l'oxygène. Je bénis ensuite ma capacité d'avoir un sommeil réparateur. Je bénis mon identité divine. Je bénis ma volonté d'être bien dans ma peau. Ma volonté d'être en santé, d'être cohérent. Ensuite, je vais bénir naturellement la santé de mon corps physique, sa capacité de se régénérer. Je vais le balayer intérieurement, plus particulièrement au moment où j'entame un jeûne, pour investir d'une vitalité et d'un renouvellement énergétique les organes qui, habituellement, sont mobilisés lorsque j'absorbe de la nourriture, c'est-à-dire toute la zone des intestins, la zone des reins. Donc, les investis de lumière, en me représentant mentalement qu'ils sont régénérés et que la pause alimentaire leur permet de se reconstruire à neuf, de baigner dans une énergie pacificatrice, d'une pause salutaire qui est propice à leur fonctionnement cohérent, à leur santé. Je passe présentement en revue mentalement le circuit de ma gorge qui, dans le fond, si on prend tout le circuit qu'entreprend la nourriture, on peut visualiser mentalement la nourriture qui va entrer par la bouche, qui va aller, c'est sûr, dans l'estomac, le ventre, donc les liquides qui sont filtrés par les intestins, Ensuite, la partie solide à travers les intestins, le rectum. Donc, je donne mentalement un investissement énergétique, un investissement intrinsèque particulier avec ma conscience de ce circuit énergétique pour qu'il soit dans un état de santé qui va faire en sorte que lorsque je vais le réutiliser, il va fonctionner d'une manière plus efficace. Je bénis aussi l'intelligence pour me dire quoi m'alimenter. Ensuite, on va faire des bénédictions générales. Il y a des bénédictions, c'est intéressant d'entretenir, comme par exemple le lieu de vie, parce que c'est un lieu qu'on se trouve, hein, que les gens, c'est la résidence, on passe une bonne partie d'existence là. Donc, qu'elle soit un lieu qui est rempli d'énergie, qui est propice à mon alimentation d'énergie. Donc, j'investis le lieu d'énergie pour qu'il puisse me nourrir d'énergie au besoin. Donc, si à un moment donné, je me sens plus faible, bien, je me connecte psychiquement avec le lieu que je vis. Donc, avec l'animal de compagnie, j'investis mon animal de compagnie dans mon cas. Moi, j'ai un chat. Il y en a qui peuvent m'écouter, ils peuvent avoir un chien, ils peuvent avoir différents animaux, mais moi, c'est un chat. Donc, je l'investis d'énergie pour qu'il soit en santé. Moi-même, avec lui, je sois en santé. Et aussi, j'investis d'énergie par la suite, ce qui me vient en tête, c'est bon, mais les différentes pièces du logement, je peux les passer en revue, le salon, la salle à manger, l'endroit pour dormir. Surtout l'endroit pour dormir, je vais l'investir plus spécifiquement d'une énergie qui est calme et propice à la régénération. Alors que l'endroit où je me trouve présentement et que je parle devant un micro, qui est dans ma salle à manger, elle, je l'investir de l'énergie de la communication. Tandis que l'autre endroit est investi consciemment de l'énergie du repos. Parce que des endroits pour être actifs, puis d'autres pour se reposer aussi, là. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Bon, sinon, je bénis mon intelligence pour qu'elle soit croissante et qu'elle me permette d'avoir le discernement adéquat par rapport aux différentes situations auxquelles je suis confronté du quotidien, puis par rapport à ce que disent les médias. Donc, il y a certains de personnes qui vont dire « Ah, sur Internet, le jeûne, c'est une pratique qui est néfaste. » Il y en a d'autres que c'est une bonne pratique et je me donne le droit d'évaluer par moi-même qu'est-ce qu'il y en est, pas pour les autres, pour moi, à travers l'expérimentation en relation avec mon corps biologique, dont je bénis sa longévité, sa santé, son intégrité aussi, son système immunitaire, la puissance de son système immunitaire en particulier. Parce qu'on nous dit qu'on est encore en période de pandémie, mais qu'on soit en période de pandémie ou pas, pour moi, c'est intelligent de bénir son système immunitaire pour qu'il y ait de la puissance. Ensuite, la force physique, qui ne veut pas être fort physiquement. Donc, la masse musculaire, quand on écoute des fois des documentaires, comme je le fais récemment, qui est question au fil du temps, qu'au fil des ans, la masse musculaire a tendance à décroître chez les gens qui sont adultes, passé l'âge de 40 ans, bon, ben, en particulier. C'est sûr que c'est un petit peu déprimant à entendre. Par contre, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à soi-même. Donc, moi, j'ai investi de conscience ma masse musculaire, ma masse osseuse aussi, tout le circuit nerveux. En fait, les différentes zones de mon corps, hein, on pourrait les passer en revue, puis ça durerait une demi-heure. On va arrêter ça, parce que je voulais que ça soit quand même assez court, cette petite session. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent, bien, j'apprécie votre présence. Et en terminant, bien, qu'est-ce que je dis souvent? Ben, j'investis de conscience ma volonté d'avoir une vie qui est agréable puis d'être dans le bonheur. Donc, les gens qui sont devant leur TV ou les médias alternatifs, puis ils vivent de l'anxiété jour après jour parce qu'ils sont imprégnés de ces vibrations-là, ça leur appartient. Moi, j'ai choisi d'être heureux, en dépit de qu'est-ce qui arrive. On pourrait dire que il va y avoir de l'inflation, le coût de l'essence va augmenter, l'alimentation, ben oui. Il peut arriver toutes sortes de choses. Il peut y avoir une guerre qui implique plusieurs pays. Il peut y avoir une crise là, avec plein de virus qui vont apparaître un peu partout. Peu importe! Je me donne le droit d'être heureux. Puis, j'agis en fonction du principe que la conscience code la réalité. Et c'est la même chose par rapport aux masses. Les masses vont coder le déploiement de certaines réalités en fonction de leur conscience qui est mobilisée à les densifier, à leur donner de l'importance dans la réalité sur le plan physique. Donc, moi, ce que je veux donner de l'importance, c'est ma santé puis mon épanouissement. Et c'est pour ça que je l'affirme haut et fort à travers l'enregistrement. Et que mon objectif, c'est sûr que je peux bénir, je peux investir consciemment, mais il faut un agir cohérent. Donc, c'est pour ça que dans ma vie de tous les jours, je vise à agir en fonction de ça aussi. Tu sais, si on veut être en forme sur le plan physique, donc, faut bouger physiquement. On peut bénir sa masse musculaire, se la représenter comme étant dense, un peu comme quelqu'un qui, par exemple, va bénir certaines réalisations, mais c'est bien aussi d'agir en cohérence. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Donc, écoutez, je vous salue et je vous dis à bientôt. Au revoir.